où il aura la possibilité de montrer son CV, de montrer les co-auteurs avec lesquels il publie, mais pas plus que ça. Enfin, ça ne sera pas un rosio, non. Pour les labos et leurs partenaires dans les universités, ce qui pose plus une série de problèmes d'abord du logiciel lui-même, du fait que ce soit une société privée, Microsoft, mais, et que du coup ça risque de poser des problèmes d'ailleurs avec les partenaires du CNRS, l'université ou autre, par rapport à ça. Et, bon, et le projet, bon, on l'a présenté il y a un an, c'était censé être mis en place en test il y a un peu moins d'un an, je n'ai pas l'impression que ça a été fait. Je ne sais pas où ça va. Il y a ça n'a pas beaucoup, beaucoup avancé. C'est toujours en projet, c'est toujours en test. Mais c'est plus un outil collaboratif de travail pour les labos, entre eux, etc., qu'un réseau social, de ce que j'ai pu en comprendre. Indépendamment de toute la problématique de l'outil lui-même, je suis d'accord, mais c'est vraiment plus un. Je pense à un outil de collaboratif. Justement, avec la pratique de réseau social scientifique, on se retrouve tout de suite aussi dans une problématique autour de l'outil collaboratif. Est-ce qu'un réseau social doit aussi permettre de créer des groupes pour travailler sur et des sous-groupes pour travailler à partir d'une ANR sur des sujets précis, des discussions, des fonctionnalités de chat, de partage de documents, de commentaires, c'est toute une dimension justement. Est-ce que c'est des fonctionnalités est-ce que c'est des fonctionnalités nécessaires à développer en tant que telles? Est-ce que ça doit être lié à d'autres types de comptes? C'est-à-dire effectivement, est-ce qu'on doit pouvoir lier ça à un compte Vigo ou autre? Je ne sais pas. Ou à sa page service de publication. Il y a des choses effectivement au niveau des outils collaboratifs qui sont des questions voilà, par rapport aux usages. Il y a l'idée aussi d'un réseau social, c'est qu'on ne peut pas. Le temps disponible des chercheurs et des enseignants-chercheurs est un temps fini dans la journée. Et que si. C'est le regard. Bienveillant d'Antonio, j'ai dit ça. Le temps est un temps fini et que si on veut faire une proposition de réseau social, il faut que en gros, le temps que les gens y passeront est pris sur autre chose. Et forcément, puisque on parle de Télénor dans la journée. Donc à partir de ce moment-là, il faut que ce qu'on y trouve dessus remplace avantageusement des choses qu'on faisait avant sur d'autres supports. On pense à plusieurs choses, mais par exemple, on reçoit tous des listes de diffusion par mail avec des informations thématiques, par exemple. Est-ce que ça, justement, ça ne peut pas être de manière intéressante déporté sur une modalité type réseau social ou partage, etc. Est-ce que, justement, du coup, il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, sur un réseau social, une sorte de fil d'actualité qu'on puisse filtrer en fonction de ses centres d'intérêt? Que ce ne soit pas uniquement les gens à qui on s'abonne, comme sur Facebook ou sur Twitter, mais que ce soit aussi des choses autres qui nous sont proposées. Parce que sinon, on reste toujours dans son petit dans la bulle qu'on a choisie aussi. Et du coup, ça me fait penser aussi à une autre chose quand on est venu à les souligner, c'est que ce qui est intéressant sur un réseau social, en gros, on se met en lien avec les gens à qui on ressemble, de qui on est proche. La question, c'est peut-être aussi celle du conflit ou des débats. Est-ce que ça ne peut pas nous permettre aussi, justement, pas seulement d'être avec les gens qui pensent la même chose que nous, mais aussi avec les gens qui pensent différemment sur le même sujet? Je ne sais pas. C'est un peu mon rêve. Le rêve, c'est que, un réseau social de chercheurs, est-ce qu'on peut appliquer la même logique du followers, de l'ami, tel qu'il se pratique sur tous les autres réseaux? Ou est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin pour essayer de caractériser la relation entre deux chercheurs? Un peu à l'instar de ce qu'il fait sur une plateforme qui s'appelle SciTuLike, où il partage des articles. Et sur SciTuLike, il y a une ontologie qui permet de dire, dans sa bibliographie, si tel article contredit tel autre, si au contraire il cite tel autre article parce qu'il s'appuie sur la même théorie, ou s'il utilise les données de tel ou tel article. Ça pose aussi la question des relations entre chercheurs, mais des relations entre articles. Ça nous porte à chaque fois très vite sur la question des maîtrises, des maîtrises alternatives, qui sont en fait trop souvent quantitatives et pas assez qualitatives. C'est-à-dire que souvent on dit tel article a été cité 25 fois, 50 fois. Et à la limite, on peut citer 50 fois un article en étant totalement opposé à cet article. On n'a pas de graduation en termes de qualité sur les citations d'articles. C'est assez problématique, et il me semble que si on fait un réseau social de chercheurs, si on se contente de citer un lien assez faible, on ne sent pas suffisamment pertinent. Après, l'idéal, ce serait de monter une ontologie. Ça peut se faire assez aisément, mais ça demande quand même un petit peu de temps. Alors, je ne sais pas, une stratégie, si on peut quand même refaire peut-être un tour de table pour voir. Les pratiques, mais en tout cas les aspirations que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez concrètement voir si un réseau social de la recherche venait se développer, quelles fonctionnalités vous souhaiteriez principalement? Peut-être aussi, tout à l'heure, certains levaient la main, qu'est-ce qu'on fait de ceux auxquels on est abonné? Voilà, voir les pratiques actuelles. Par exemple, Academia, pour moi, c'est être en contact avec des gens, mais si quelqu'un m'envoie un message par Academia, je sursaute et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas par là que ça passe, c'est fait pour s'envoyer sa photographie et savoir que les gens existent. Tu mets le lien de ça. Academia ne fonctionne pas très bien, donc sauf coup, ils ont trouvé une fonctionnalité qui est simple, c'est qu'ils nous avertissent dès qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur notre page après une recherche Google, et ils nous donnent le mot-clé qui nous permet d'accéder à notre page Google. C'est le seul moyen qu'ils ont à trouver pour essayer qu'on revienne de temps en temps. C'est un moyen quand même d'être un métier pour montrer que ça fonctionne. Alors, c'est ce que je propose, c'est que je fasse un petit tour de table pour voir concrètement qu'est-ce que vous aimeriez trouver. Allez, maintenant, c'est par les couches. Moi, je connais la partie des usages que j'ai parce que c'est peut-être plus simple. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir trop d'outils non plus. Donc, déjà, je trouve que j'en ai beaucoup. Donc moi j'utilise Twitter, j'ai deux computers, j'ai un computer personnel que j'utilise pour faire de la veille, rediffuser la veille que je fais, et j'ai un autre computer qui me sert à diffuser tout ce que je fais sur mes sites et mes blogs systématiquement via des flux RSS. Je fais la même utilisation de Facebook, je mets sur Facebook tout ce que je mets sur mes sites, mais simplement pour faire savoir ce que je fais. C'est pas vraiment pour faire du réseau en soi, mais enfin c'était les réseaux. Autrement, j'utilise Digo pour faire de la veille, et là, pour trouver des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, comme avec Twitter. Et puis, bon, ben, j'ai des blogs sur l'hypothèse, donc là, il y a une communauté, mais on a ségalé les mêmes réseaux sociaux, c'est tout. Je n'utilise pas d'autres réseaux sociaux. Je suis allée un peu sur Academia, mais je ne l'utilise pas, j'ai hésité, mais je n'ai pas vraiment vu l'intérêt, donc je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que je n'ai pas une idée précise de ce que je pourrais faire de plus avec les réseaux sociaux. Pour le moment, je suis venue plutôt pour voir ce que vous faisiez, voir si je pourrais faire mieux que ce que je fais actuellement. Voilà. Mais je trouve que j'y passe déjà quand même pas mal de temps. Et il y a aussi il peut y avoir une saturation aussi. Ça, c'est un. Voilà. Je pense que tu en avais à revenir sur. je ne suis pas chercheur. Antonio Mendes, moi je suis documentaliste dans son laboratoire qui s'occupe d'histoire, de recherche sur l'histoire de l'architecture. Et quand ça m'intéressait, je suis inscrit sur les hypothèses de Koukouki, je connais les hypothèses sociaux. Je pensais qu'il y avait une différence qui était parfaitement nette en entrant dans cette salle, en fait, entre un environnement numérique de travail et un réseau. Et en fait, vous faites un peu mélange, mais... Je le fais exprès parce que c'est pour éclater, voir qu'il y a différentes pratiques et qu'il ne faut pas forcément segmenter toutes les pratiques et les écarter totalement dans le futur réseau social. Sachant aussi, ça reviendra après, peut-être qu'on a des exemples de réseaux sociaux qui fonctionnent très bien, mais sur des territoires totalement différents. Je ne fais plus rien. En tout cas, je dirais que ce n'est pas de la provocation, mais que mon écosystème d'outils vidéo, c'est Google. Après, faut-il créer. Non, mais si. C'est un constat. Mais du point de vue de l'intérêt, de l'aspect pratique et des fonctionnalités proposées, c'est parfait. Enfin, presque parfait. En tout cas, s'il y a quelque chose du point de vue de la création d'un nouveau réseau social, peut-être qu'il y a un modèle. Voilà, c'est. Quoi, Google Plus ? Qui utilise Google Plus ? Personne ne travaille pour Google. Ils ensemble des outils collaboratifs pour Google. Oui. Je crois que Drive m'a un peu désarçonné. Moi, non, je ne suis pas du tout dans mes pratiques personnelles. Je n'utilise absolument pas les réseaux sociaux, que ce soit à titre personnel et professionnel. Je suis secrétaire de rédaction d'une revue. Et ma question est plutôt pour mon collègue qui, elle, est chargée de communication, qui se pose la question, mais à quoi ça va me servir de mettre le laboratoire sur Facebook, sur Twitter? On ne voit pas l'intérêt, et j'avoue que moi aussi, a priori comme ça, d'utiliser le réseau social. Mais vraiment pour voir qui avait déjà fait quoi, comment les idées, comment on pouvait utiliser ces outils de façon un peu plus approfondie, en fait, pas uniquement comme une vitrine, un annuaire, une nouvelle vitrine encore et encore, et voir ce qu'on peut faire avec. Effectivement, si je peux le permettre. Là, on est dans deux choses assez différentes, parce qu'effectivement, la proposition de cet atelier, c'était vraiment sur l'éventuelle construction, enfin, la construction programmée d'ailleurs, mais avec quoi dedans, d'un réseau social, orienté, chercheur, enseignant-chercheur, SHS, sachant que la plupart des réseaux existants, comme Research Gateway, sont massivement sciences dures, et que même dans les sciences sociales qui sont présentées, c'est des sciences relativement dures, qui sont dedans comme l'économie réalistique. La question que vous posez, c'est une autre question. La question, c'est l'intérêt pour des, alors, pour des chercheurs et pour des labos, c'est encore deux choses différentes. Exactement. L'intérêt d'être sur des réseaux sociaux grand public. Mm-hmm. Ou plus ou moins grand public. Non, mais peut-être que j'allais découvrir un réseau, celui auquel vous pensez, très certainement, qui allait être le plus adapté, effectivement. Et pas uniquement comme vitrine ou annuaire ou après ça justement chose, outil la différence c'est justement ou de recherche même outil de recherche hein. Un outil grand public comme Facebook ou Twitter on peut faire la recherche dessus exactement ça, c'est une source mais c'est une source. C'est un objet après ça c'est drôle personne ne dit que c'est un terrain c'est oui, un terrain voilà c'est une source donc voilà. Moi, j'ai un compte Twitter moitié personnel, moitié recherche. Je suis en train de lancer un petit profil sur l'Académie aussi, mais pour l'instant, je vais seulement garder l'extérieur un peu. Donc, pour avoir un peu de confiance, je suis encore en train de tenir un peu de possibilités de ces réseaux-là. Pour l'instant. Je n'utilise aucun réseau social. pour voir que je pouvais être utilisé. Je n'utilise pas parce que j'ai simplement peur que ça me prenne beaucoup trop de temps et j'ai déjà des journées remplies. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Essentiellement, effectivement, peut-être de la veille bibliographique. Je suis inscrite sur plusieurs listes de diffusion, donc si ça pouvait être écrémé selon mes propres besoins, c'est ça qui m'intéresserait peut-être plus sur un réseau et permettre des échanges avec d'autres, bien sûr. C'est une liste. Moi, je suis venue pour écouter surtout, voir quels étaient les, voir quels étaient les besoins pour les chercheurs en termes de réseaux sociaux. Justement, je suis venue recueillir. Le but, c'est ça, c'est de faire émerger des besoins. Mais pour l'instant, on voit que ce n'est pas si facile que ça. Mais je ne suis pas du tout étonné, de toute façon, parce que parfois, les besoins, c'est difficile de les prévoir à l'avance. L'outil crée les besoins et il faut être capable d'imaginer quels vont être les futurs besoins. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. C'est le problème de l'analyse des besoins. Savoir surtout si les réseaux sont déjà bien identifiés au sein de communautés ou si de nouveaux réseaux peuvent se créer au travers de ces réseaux sociaux, justement, se découvrir en fait. C'est ça qui m'intéresse de voir. Donc moi je suis venu là parce que j'ai été contacté par la personne qui a créé ResearchGate, parce qu'elle voulait les données de LSHS, de HAL, et je voulais voir ce qu'elle voulait en faire. Après il y a toute l'évolution autour de HAL et EasyDoor, faut savoir comment. Est-ce qu'on allait faire évoluer ces deux plateformes, est-ce qu'on allait mettre un module de suggestion, de gestion de groupe. Voilà, c'est, est-ce que c'est au niveau des chercheurs, ça, c'est un besoin ou au niveau de choses qui sont à la limite de deux disciplines, voir justement si ça pourrait faire émerger des groupes, voir si c'était, si tout le monde identifiait bien dans sa communauté ou s'il y avait des choses encore. Ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Ce qui intéresse beaucoup aussi en perspective de recherche, c'est de voir s'il y a des communautés qui sont en émergence, bien que sur la question des humanités numériques, qui est véritablement une transdiscipline. Est-ce qu'un effet réseau permettrait d'identifier une communauté interdisciplinaire? Bon, on la voit un peu sur Twitter. Parce qu'il y a des listes sur Twitter et certains chercheurs qui travaillent sur les humanités numériques sont classés dans les listes humanités numériques. C'est plus qu'un peu, c'est le seul exemple que je connais, quand il y a 5 conseils à donner aux débutants sur un blog américain, inscrivez-vous sur Twitter, fait partie des 5 conseils. C'est pas vraiment ça, c'est assez particulier, je ne sais pas quels sont les autres que je pouvais avoir. Non, c'est vrai que sur Twitter, c'est exemple, c'est exemple d'émergence, mais ça reste. La question de l'émergence de transdisciplines ou de courants, c'est une question qui revient assez souvent. Mais sur la création de groupes, c'est ça que j'ai pas saisi quand vous vouliez les créer en fait, sur HAL. Sur EasyDoor, c'est plutôt sur leur lien sur les documents qu'ils vont consulter, sur, leur proximité. Mais en fait, ça serait une création de groupe. Alors après, ce sera un groupe, ce sera un utilisateur qui suggérerait de créer un groupe et qui on dirait à la personne qui recherche, qui serait liée sur les recherches, dirait, bah, il y a un groupe qui existe, est-ce que tu veux faire partie de ce groupe? En fait, c'est une sorte de moteur de suggestion qui pourrait, par exemple, d'un côté, comme sur Amazon, vous dire, les gens qui ont consulté cet article ont aussi consulté cela. Ça, c'est le premier niveau. Créer un groupe à partir de ça, en fonction des occurrences. Certains dans tel groupe, est-ce que ça vous intéresse de rejoindre? Exact. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a aussi une fonctionnalité qui est développée actuellement par Google Scholar qui vous dit, qui analyse vos articles, mais les bibliographies de vos articles. Il vous mentionne le fait que tel article mentionne tel article, vous-même vous citez dans un de vos articles. C'est ces questions-là relationnelles qui sont en train de se faire, qui pourraient peut-être être intéressantes à creuser à partir de HAL, parce que normalement on essaye d'identifier la bibliographie plus ou moins. Je suis venue ici surtout pour voir, avoir des informations, puisque je n'utilise pas professionnellement du tout les réseaux sociaux pour l'instant. Je fais l'audiovisuel et des films, vidéo. Et dans YouTube ? Je me demande pour la diffusion des films si on voulait développer un archivage de vidéos par le CNRS, mais on se demande s'il faut faire un compte YouTube pour le laboratoire. Ou... Alors, je pose la question parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer la dimension de réseau social de certains grands services du web. Wikipédia a une dimension énorme de communauté et de réseau social derrière. Vous avez un profil, vous construisez votre réputation, vous êtes constamment impliqué dans des discussions, et YouTube aussi. YouTube est moins important pour son côté archivage, comme tous les vrais YouTubiens savent bien, pour son côté archivage et son côté publication, et beaucoup plus pour son côté discussion. Et que le fait d'avoir tout simplement une chaîne YouTube qui soit la chaîne YouTube du Centre Intermorin, comme oui, par oui. une sorte, bah c'est la recette pour faire une chaîne que personne ne regarde. Si on fait tout simplement la chaîne. Par contre, si on s'implique dans une discussion, là, à ce moment-là, il faut trouver aussi d'autres centres de recherche. Voilà, les choses qui nous restent. Et la question des plateformes d'archivage vidéo, une question aussi assez cruciale à l'heure actuelle, effectivement. Ça dépend de quel type de vidéo, mais sur Bordeaux, on réfléchit aussi à cette question-là. Et puis, c'est un autre sujet, mais on voit bien qu'il y a des tendances assez similaires. Il y a des problématiques qui se font. Alors, moi j'utilise Twitter pour repérer des infos académiques surtout et de recherche. Et ensuite Facebook pour des thèmes, des réseaux personnels plus. Je suis dans l'académie, .edu. Je ne sais pas si j'aurais besoin d'encore un autre réseau social parce qu'en fait c'est la même chose que disait la collègue là, qu'en fait on passe déjà beaucoup de temps. Et qu'est-ce que je n'espère ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à ça. Et qu'est-ce que vous faites sur Academia ? Du coup, je connaissais à des profs qui étaient là et ils m'intéressaient des articles qu'ils avaient mis en ligne. Et donc, je me suis dit que c'était bien d'avoir aussi un profil. Je l'ai créé. Parce que comme ça, au moins, si on fait une recherche sur toi, au moins, on tombe dans un profil que ce n'est pas ton profil institutionnel, mais bon, quand même, ça, c'est une façon de te repérer. On trouve encore la question du repérage et de l'identification. Puis une autre question qui se pose aussi, c'est la mise en ligne d'articles sur un réseau social. C'est vrai qu'on s'est posé la question d'un réseau social très vite. C'est poser la question, est-ce qu'on offre la possibilité aux chercheurs de déposer des articles sur la plateforme ou si au contraire, on incite plutôt, moi c'est ma position, plutôt à déposer sur HAL avec un lien du réseau social sur HAL, pas en rajoutant un double dépôt. Pour éviter justement d'avoir encore un autre outil, on dit déjà qu'il y a plusieurs mêmes fonctionnalités dans les réseaux sociaux, allez une plateforme de diffusion, pourquoi pas l'utiliser, et puis voilà, enfin, sinon on va déposer là, et voilà, le chercheur déjà du mal à déposer à un seul endroit, si on veut le déposer à trois, ça va pas. Academia demande de déposer des données. Oui, on peut le faire. Mais il y a des gens qui le font sur Academia, Oui, il y a des gens qui vous mettent des dizaines d'articles sur Academia. Mais quand tu veux pas dans justement pour ça. Mais du coup, ça apporte quoi? Je te demandais ça. Pardon? Ça apporte quoi de plus sur Academia? Pourquoi sur Al? Pourquoi sur Academia? Je cible des publics différents. Academia, paradoxalement, même si en réalité ça peut être très international, dans mon cas, cible exclusivement les gens de l'OHESS et de l'Institut Mines-Télécom. Ce sont les deux universités à laquelle je suis. Et voilà. C'est des gens qui ne vont pas sur HAL, pas forcément. C'est des gens qui ne sont pas sur Twitter, pas forcément. Et voilà. Merci. Vous voyez, moi je m'occupe d'un site web, j'y mets toujours les liens vers les publications des chercheurs, vers le texte intégral. Et bien quand c'est sur Academia, ça me gêne. Ok. Parce que bon, pour moi, c'est pas une source prestable. Ah oui, mais de toute façon, ouais, voilà. ça fait miroir par rapport à. Enfin, ça fait miroir avec HAL, la publication sur la plateforme principale. Ouais. Si vous publiez avec Sage, d'abord c'est ça qui fait foi, n'est-ce pas? On est dans une problématique, effectivement, très nette sur le web, de toute façon, de réduplication des contenus à l'infini. Et pour les articles scientifiques, ça pose, bon, parler des identifiants, uniques, mais effectivement, ça peut être un problème. Du coup, de toute façon, quand c'est téléchargeable, vous ne pouvez pas la diffusion de l'objet téléchargé. Mais le fait de mettre à 5 ou 6 ou 10 endroits différents multiplie encore. Qu'est-ce qu'on va citer? Dans mon cas, je mets en ligne des articles qui sont publiés ou en voie de publication. Donc on cite la référence finale. Voilà. Avec des bémols. Parfois, il y a des répositoires, par exemple SSRN, pour les, comme Infocom, dans lesquels je mets en ligne des documents de travail, des working papers. Et dans ce cas-là, tu cites le working paper. Mais tu le cites selon le. Si tu le prends sur SSRN, tu cites la source SSRN. Si tu le prends sur HAL, tu cites la source HAL. Peut-être aussi la différence avec, de l'Académie avec HAL, c'est que sur l'Académie, on peut utiliser un article. Oui, ça c'est le mec. Et que, apparemment. Et que le copyright reste de la personne qui l'a mis en ligne. Alors sur HAL, c'est pas le cas. Sur HAL, n'est pas le cas. N'est-ce pas? Je sais pas moi. Sur HAL, quand on dépose un article, le copyright. Le copyright passe à HAL. Même si je mets en ligne un article, par exemple, qui est sur Creative Commons, ce que je dois cocher à la fin. Oui, je dois cocher. Oui, ça n'engage personne. Ça n'engage personne. Vous autorisez HAL à diffuser votre article. Ouais, comment? Vous autorisez HAL à diffuser votre article, vous ne perdez aucun droit. Je sais. Vous gardez complètement mais les droits. Vous gagnez des droits, c'est ça que je veux dire. C'est vous qui avez gagné. Non, vous laissez non, vous. Non, c'est simplement. Non, c'est indéfendable. C'est indéfendable dans un contexte. C'est HAL qui se. On va dire HAL se dégage de toute responsabilité, en fait. Pratiquement, il n'y a que ça. Quoi. Ah, okay. Responsabilité par rapport au dépôt. Même si HAL vérifie, hein, ça m'est déjà arrivé. Alors, HAL vérifie systématiquement et systématiquement m'arrive que le dépôt. Vous êtes quoi, pas après, j'arrive. Bon, le service après-vente, on le fait à un autre moment. Twitter et Facebook à la fois à cause du côté chronophage et aussi un peu mise en scène intellectuelle qui me dérange profondément dans ce type de réseau social. Donc je dois reconnaître que ma veille passe avant tout par les listes de discussion et autres flux RSS, mais après c'est sûr que s'il y avait un réseau social pour chercheurs qui vous permette de réunir tout ça en un seul flux d'actualité, ce serait très bien. Et aussi, il faut reconnaître, enfin, je suis historienne moderniste, et pour avoir la veille de ce point de vue-là, c'est plus que du bidouillage, d'aller dans les sites, trouver le bon flux RSS, etc. Donc, avant tout, il faudrait peut-être trouver des moyens de veille, enfin, nous créer des moyens de veille, même, avant de penser à un réseau social. Enfin, je pense que tout est à faire pour nous, en tout cas. Sur la veille, j'ai une réponse. Je ne pense pas que la veille, il n'y a pas forcément d'outils miracles, sachant que la veille, ce n'est pas une question d'outils. Je suis un ancien documentaliste aussi. Alors, à mon avis, la question, effectivement, ce n'est pas question que du réseau social ou d'une outil magique, c'est la question, comme je disais tout à l'heure, d'une espèce d'écosystème informationnel, personnel, qui mêle plusieurs outils. Et clairement, on sait qu'au fur et à mesure des années, ça évolue, les outils changent, qu'il faut sans cesse de remettre à jour, de remettre à niveau. Il n'y a peut-être pas d'outil magique absolu sur cette question-là, à mon sens. Par contre, il faut veiller sur le maintien du flux RSS, sachant qu'il y a Apple et compagnie qui sont plutôt anti-flux RSS et tendraient à le faire disparaître. Ça, il faut plutôt lutter là-dessus, qu'il faut militer pour le maintien des flux RSS. C'est vrai. il y en a qui voudraient faire disparaître parce que du coup, on n'a plus besoin d'aller chez eux. On n'a plus besoin d'aller sur le site. Ça fait circuler trop mal. Oui, donc moi, je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux, ni personnellement, ni professionnellement, à part professionnellement Delicious, pour des signés qui concernent le fond de notre bibliothèque. Je travaille à l'École française d'Extrême-Orient, et ma question était, quel intérêt pour l'institution d'avoir des comptes Twitter, Facebook, ou des réseaux sociaux, surtout par rapport au problème qui était évoqué tout à l'heure de la multiplication des informations. Surtout pour une institution un petit peu poussiéreuse comme la nôtre, où il n'y a pas beaucoup d'actualité, etc. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et surtout, donc ma question était, bon, être là, voir les pratiques et voir comment je pourrais sensibiliser peut-être les chercheurs, surtout avoir, eux, des comptes sur les réseaux sociaux et leur montrer en quoi ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est une question assez régulière, c'est une question de médiation numérique, en fait. Est-ce qu'il faut développer un compte Facebook, Twitter? La réponse est toujours à peu près la même. Il peut y avoir un intérêt à condition que ce ne soit pas une création artificielle, ça nécessite un suivi, une forme d'éditorialisation. Un petit peu la même réponse sur ces questions-là. Ensuite, l'intérêt pour le chercheur, c'est exactement la même chose. S'il crée un compte et il n'en fait pas grand-chose, il ne va rien en retirer. Ça suppose toujours un investissement en temps indéniable, et l'investissement en temps, il doit aussi s'opérer de manière sur plusieurs mois ou sur plusieurs années pour en retirer des intérêts. Je prends toujours l'exemple de Twitter. Twitter, des fois, quand je me suis inscrit, j'avais dit très rapidement, c'est la communication Kleenex. Et clairement, à l'époque, on se dit, oh, c'est pas une connerie, c'est la communication Kleenex. Et en fait, il faut vraiment examiner ces réseaux sur du long terme. Parce que la communication Kleenex participe aussi de la communication. C'est-à-dire que parfois, des propos fatigues ou de moindre importance participent à la création du lien. Et si vous n'avez pas un peu de fatigue, un peu de lien, vous n'avez pas moyen de créer quelque chose d'intéressant. Et sur la question du réseau social aussi, c'est est-ce qu'on doit faire un truc purement sérieux avec des outils super, ou est-ce qu'il faut prévoir quelque chose d'un peu plus convivial? Cette notion de convivialité, voire de fun, permet aussi l'émergence d'une communauté. Parce qu'on n'a pas de outils ultra sérieux qui garantissent. Moi, je voulais Je ne suis pas mal de gens, je poste jamais rien. Ça me sert de veille pour moi, mais je n'ai pas d'informations dessus. Par contre, je vous dis beaucoup que RSS, hein, si vous disparaissez, ça me serait vraiment. Vous êtes dans la même logique pour Twitter, c'est pour récupérer l'utilisation comme un QRS. Vous avez pas mal de personnes qui travaillent comme ça. Et ça vous demande quand même du temps. Ah oui, d'identification. Je suis pas chercheuse, mais sur mon réseau à moi, je suis sur les choses. Parce que vous n'en avez pas parlé, parce que pour moi, dans ma communauté, toujours, c'est là où j'ai trouvé le plus de gens qui appartiennent à ma communauté. Sur LinkedIn. Et donc voilà, bon, donc moi ça m'intéresse. Alors d'abord ça m'a intéressé quand on cherche un boulot, ça peut être intéressant enfin, pour des choses pratico-pratiques aussi, parce que les chercheurs ils diffusent l'information, moi je n'écris pas d'article, j'ai pas à diffuser, mais par contre ça m'intéresse de savoir voilà, où les gens travaillent, ce qu'ils font, c'est quoi leur spécialité, c'est quoi leur centre d'intérêt. Moi je l'utilise plus comme ça, comme une connaissance, je ne sais pas si c'est dans mon écosystème, mais enfin en tout cas de je suis. Alors je ne sais pas après si dans un réseau adapté aux chercheurs, est-ce que ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire est-ce qu'il faut prévoir des choses pour que on connaisse les gens qui ont les mêmes expertises que nous, les expertises qu'on n'a pas, les compétences qu'on n'a pas, ça au même sujet que nous, au sujet opposé, enfin bon, voilà, je pense que c'est une façon, je trouve c'est autour de ça quel cœur d'un réseau s'il devait exister dans la recherche. Vous avez êtes associé au réseau, au groupe ADBS sur LinkedIn. Oui. Vous faites partie de l'ADBS. Oui. Une parenthèse, je suis membre du conseil d'administration. Il faut savoir qu'à l'ADBS. Membre d'ADBS recherche animatrice. Mais c'est quoi? C'est un réseau professionnel documentaliste, pas c'est documentaliste et bibliothécaire spécialisé, mais c'est documentaliste et professionnel de l'impôt. Il faut savoir qu'il y a un an, on avait un projet de réseau social à l'ADBS, commun avec la BN, qui n'a pas vu le jour. C'est très complexe, parce qu'il y a un projet de réseau social qui échoue. Bon, j'espère que le prochain que j'ai envie va réussir. Ça peut échouer aussi. Bon, voilà. Mais ce que je retiens, c'est surtout l'idée de mention de compétences, et ça rejoint un peu aussi ça, le débat sur les besoins de formation. C'est presque souvent lorsqu'on monte un projet, tiens, j'aurais besoin d'un tel ou un tel pour voir ce qui est intéressant. Et la mention de compétences sur le profil peut aider à, au montage de projet. Voilà, c'est aussi une qualité que j'avais repérée. Je suis souligné effectivement la demande de LinkedIn, et c'est intéressant. La partie à l'univers du CRS, l'univers géographicité. Alors, moi aussi, je suis venue avec pas mal de questions parce que ça fait plusieurs années que je me sensibilise, donc les membres de notre labo, à des pratiques comme ça collectives, en réseau social ou en outils collaboratifs. Alors, ce que je me rends compte, c'est que, parce que là, on parle à la fois des réseaux sociaux et des outils collaboratifs, et je voudrais peut-être savoir quelle est la frontière exacte. Moi j'ai constaté dans ma pratique justement que les outils collaboratifs étaient appréciés. J'ai formé des gens dans la labo et donc ils l'utilisent beaucoup. Zotero est utilisé comme un outil collaboratif et a une utilité vraiment immédiate pour le chercheur. Et donc je pense que c'est ce qui justifie son investissement. Par contre, il y a quelques années, j'avais créé des collections de signets sur des choses à partager, un portail NetWise de veille pour l'ensemble du labo avec effectivement les PRSS ou des sites intéressants, etc., ou des commentaires où tout le monde pouvait venir, pouvait intervenir et en réalité les gens n'y vont pas. Quoi. Alors, je pense que c'est une raison, la raison principale, c'est de limiter le temps. C'est du temps pris sur autre chose. Donc il faut vraiment qu'il y ait un bénéfice dans cette pratique pour le gagner du temps. Voilà. Ouais, du temps. Ouais. C'est une question compliquée. Moi je conjugue Digo avec hypothèse. Si je fais de la veille sur Digo et après je publie sur l'hypothèse. Ouais, c'est parce qu'il y a un investir. Voilà, il y a donc les réseaux sociaux et puis aussi les outils collaboratifs. C'est quand même. C'est déjà un outil personnel au départ, petit à petit. Il y a d'autres couches, il y a d'autres niveaux, j'ai l'impression, de pratique sur l'énergie de pratique. Il a évolué vers ce partage, mais moi je vois dans le labo, on l'utilise en groupe de travail, mais comme outil. Alors évidemment, ça peut être avec des personnes qui se trouvent très, très loin physiquement, effectivement, qui sont pas. Moi je suis assez novice en matière d'humanité numérique, qui n'est pas assidue sur les réseaux sociaux, mais je suis ici parce que dans le cadre de ma thèse, j'envisage de mettre en place une encyclopédie numérique autour d'un des auteurs sur lequel je travaille, Jean Collant, et bon, c'est une problématique qui est un peu différente de celle des réseaux sociaux, mais on envisage pour Paris 4 cette encyclopédie comme un outil collaboratif avec un outil. Donc je suis ici pour m'informer sur les outils qui sont très nombreux. Moi je suis venu parce que je n'ai pas encore vu aujourd'hui dans cette salle. Et aussi parce que c'est reposant, je vais pouvoir participer à une conversation sans animer. Plus sérieusement, pour les réseaux sociaux, je partage le désarroi de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses. J'ai des comptes partout. Alors, quelques exemples, Je pense que je suis arrivé plutôt dans les réseaux sociaux à partir de la question de l'identité numérique, être en ligne et maîtriser un tout petit peu ce qui se passe quand on tape mon nom sur un moteur de recherche. Doublé d'une autre question, les défauts esthétiques, ergonomiques, de fonctionnalité des sites institutionnels sur lesquels j'avais les pages, qui faisaient que j'avais pas très envie d'avoir ça comme centre d'identité numérique. Moyennant quoi, j'ai une page sur Facebook que je n'utilise pas parce que j'ai un homonyme qui en a créé une. ça, je trouve ça intéressant. Faut le savoir. Qu'est-ce qu'il fait ? Vol dans la petite mot de passage. Sa photographie était ténébreuse, alors maintenant je me suis dit c'est bien, très bien, mais bon, vaut mieux que j'en ai une. Donc j'accepte tout le monde, mais je ne le regarde pas. Ah, c'est ce gars-là qui fait de la philologie. Le ténébreux avec une encyclopédie. Sur Twitter, en revanche, là, j'y suis allé précisément parce que c'est un des lieux où on peut être en contact avec les humanités numériques, très précisément avec la dimension internationale, avec beaucoup de gens qu'on ne rencontre pas dans les conférences, très précisément les Américains qu'on a moins d'occasion de voir en Europe. L'aspect réseau social de son côté, et avec ces Américains, tu as des interactions aussi, oui, tout à fait. Oui. Ouais. C'est en contact. Alors, et pour moi, Twitter est le seul lieu d'interaction dans tout ce à quoi je suis inscrit. Comme je disais tout à l'heure, Academia, si on m'envoie un message sur Facebook, j'oublie d'y répondre ou j'ai l'impression d'une intrusion. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et par ailleurs, les sites institutionnels sont liés à tout ça, mais j'essaie d'avoir un lieu unique et c'est Academia pour moi. Mais sur quoi je ne mets pas d'article, hein, par exemple. Il me semble aussi que Halle est le lieu, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi des questions d'interface, de fonction, de préférence personnelle. Mais en tout cas, la dimension conversationnelle, elle me semble naturelle sur Twitter, mais ça reste en partie professionnel. Et je ne sais pas trop ce que j'attendrais d'un autre réseau, s'il y en avait un. Ça me semblerait difficile, par exemple, pour les humanités numériques, de dissocier vraiment les choses et d'avoir quelque chose de très professionnel d'un côté, et puis des amis avec qui on échange. Sur Twitter, tu échanges aussi Moins, mais il y a... Non, mais c'est... Ça peut être une question, parce que non, c'est Facebook, moi, là, vraiment, ça mélange public et privé, mais Twitter... Est-ce que là, on parle d'un réseau professionnel, ouais, au sens où... au sens où, avec certaines personnes avec qui je suis lié sur Academia, je n'échangerai pas des messages avec des sourires, avec des smileys dans tous les coins. Ce qui est naturel sur Twitter, même si derrière, on envoie l'annonce d'un colloque de philologie numérique qui concerne 20 personnes. Voilà, donc j'ai pas d'attente. Je connais en général les outils dont on a parlé. Tu utilises Zotero aussi ? Je l'utilise, mais pas dans ses fonctionnalités de réseaux sociaux. Sauf la bibliographie partagée. Alors moi, je n'utilise absolument pas les réseaux sociaux de recherche. Je ne m'étais même jamais posé la question. C'est pour ça que je suis venue à cet atelier. Et alors, je crois que c'est doublement une question de temps. C'est générationnel, je pense. Aussi parce qu'au début, mes doctorants et ex-doctorants me disaient « Non, c'est vrai que ça, c'est pas la peine pour les raisons que vous dites, Twitter, etc. » Non. Et parce qu'au fond, ça passe par eux. C'est-à-dire, je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Ils les trient, mes informations. Et ça me fait gagner un peu de temps. L'autre raison, c'est que je n'ai plus aucun temps. C'est-à-dire que les réseaux internationaux pour des sound studies, etc., passent pour moi par les mails, Skype, les rencontres directes, et je n'ai vraiment, jusqu'à lire le titre, jamais eu l'idée que je pourrais... Et je pense que ça va continuer comme ça. Est-ce qu'un réseau social dans lequel on a ces échanges de messages avec des gens privés, ou des discussions en groupe, et des échanges éventuellement vidéo, etc., ça pourrait être en bon endroit, hein. Oui, non, je sais. Dans l'absolu. Oui, oui, mais... Et du coup, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Donc, il faut dire que les gens utilisent les outils. Voilà, moi, exactement. J'utilise à la fois Twitter et les listes de diffusion, parce que dans mes collègues, il y en a qui n'utilisent pas Twitter. Bien sûr. C'est sur Twitter, mais c'est aussi dans les listes de diffusion. Je suppose que c'est pareil pour lui. Je pense que pour certains, il faudrait déjà que certains messages arrivent aussi par mail. Parce que pour certains, c'est par la poste. Moi, j'utilise. J'ai une tripotée de comptes Twitter, mais j'en ai un qui est plus public et plus lié à mes activités de recherche. Je suis un doctorant et je suis ingénieur des jets par ailleurs. Et, non, mais je le précise. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Twitter ici, j'ai l'impression. Et je n'utilise pas de Facebook, puisque Facebook est un réseau auquel, enfin, dont on ne peut pas avoir les informations, puisque c'est tant qu'on n'a pas un compte sur place. Et que c'est quelque chose qui est assez important. Tout ça, c'est, j'utilise aussi à côté deux blogs, un sur une plateforme académique des cultures visuelles et un autre qui est à moi, et dont je pense que voilà, qui sont tous liés à mes activités de recherche. Ouais, moi, je ne vais pas vous faire la liste, parce que c'est exactement le même que vous utilisez tous et toutes. J'aurais envie de dire qu'il y a tendance à sous-estimer donc certains réseaux sociaux qui sont des véritables réseaux sociaux, on vient des autres, les évoquer, hein, YouTube, Wikipédia, etc. On utilise ça, qu'on a tendance à sous-estimer les fonctionnalités des réseaux sociaux, des wikis en général. Avec Fred, par exemple, on travaille sur un projet de recherche qui est un projet ANR. On monte un wiki et le wiki est un véritable lieu de socialisation et de gestion. À ce moment-là, je participe aux réseaux sociaux. Bien sûr, et c'était ça. J'en venais à ça. Les personnes qui ont dit moi, je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux, bah, c'est comme les gens qui disent je ne bouffe pas à midi et en réalité, ils bouffent un sandwich. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas les utiliser, mais en réalité, vous le faites. Et donc, la question, c'est de reconnaître les usages sociaux du web, pas de dire quels sont les réseaux sociaux. Là, je vous donne un exemple qui est un peu un exemple extrême. Je me sers de Google, pas de Google+, de Google Recherche comme un réseau social pour avoir des alertes. Et vous tous, et tout à fait. Vous, quand si vous googlez, I Google myself, voilà, vous êtes en train de gérer votre profil, en gros, ce que Google dit de vous. Et quand vous googlez quelqu'un d'autre, et ben, vous êtes en train d'utiliser une fonctionnalité qui est sociale, introduite dans l'algorithme sémantique de Google. Donc du coup, c'est moins la question est moins de se dire quels sont les réseaux sociaux dans lesquels je suis inscrit, en gros, combien de mots de passe je gère, c'est ça, en gros, mais quels sont mes usages sociaux des réseaux. Et donc, on a 10 000. On a oublié de citer, par exemple, le plus basique des réseaux sociaux dans lesquels on est tous inscrits, des listes de diffusion académiques. On est tous inscrits dans des listes de diffusion académiques. Je vais citer avant. Tu vas citer, pardon. Et c'est vrai que justement, j'ai mis une carte au début pour partir un peu des pratiques, toutes des pratiques sociales un peu éclatées, différentes. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un réseau social qui s'appelle Ravelry. Ça fait rigoler. Ravelry, c'est un réseau social qui est en croissance exponentielle, qui est dédié aux loisirs créatifs. Ça fait rigoler aussi. Et je suis quand même un de ceux qui pensent que c'est le modèle, rassemblement, le plus intéressant à copier, ou à copier certaines fonctionnalités pour un réseau social de chercheurs. Parce que très souvent sur les réseaux sociaux, Facebook ou autres, on a un échange qui reste peu constructif sur du long terme. Tandis que sur Ravelry, sur Ravelry, vous avez la possibilité de gérer tout un écosystème informationnel, de partager des patrons. Ah oui. Et le reste de base, c'est ça. C'est surtout le patron, le modèle que vous allez pouvoir partager. Et vous pouvez monter des projets. Vous dites, moi, je suis en train de faire tel projet, j'utilise tel laine, tel outil, ainsi de suite. Mais quelque part, on est dans une pratique inscrit dans ce qui est en train de se faire. Alors c'est vrai que c'est aussi, il y a juste un problème, c'est qu'on parle de loisirs créatifs, pour moi, c'est un réseau de pratiques de travail. C'est la notion du mot travail aussi qu'on n'a pas abordé, qui pose problème actuellement, parce que les frontières entre loisirs et travail sont difficiles à distinguer, autant plus que lorsqu'on est chercheur. Il y a aussi cette question-là que je vais soulever, mais en tout cas, le Ravelry, si vous avez le temps d'aller voir, modèle intéressant à creuser. pas sans expérience. Je sens que toi, il va se mettre au crochet bien. Donald Mataya. Et un blog, un vieux blog. J'en dirais, j'ai écrit un article là-dessus, justement, sur les blogs de sa créative. Trop tard alors. Est-ce qu'il peut encore faire mieux là? Non, c'est pour dire que des fois, il y a des modèles auxquels on ne songe pas, qui paraissent totalement éloignés, mais qui en fait sont peut-être les plus intéressants que ceux qu'on connaît de manière classique, et qui ont tendance à nous préformater. Toujours le même risque, hein, dépendant des outils, ils nous forment autant qu'ils nous déforment. Je ne sais pas si ça va bien se vendre auprès des chercheurs, le modèle. On leur dira pas les crochets, on leur dira pas. Je ne pas trop de crochets. On va le dire officiellement. Voilà, après ça, effectivement, il y a une autre dimension qu'on avait abordée, parce que là, j'avais fait une petite réunion il y a un an sur le thème avec Antonio et Zala, entre autres. Et une des problématiques qui était apparue, c'était effectivement ce que tu disais aussi à un moment, sur avoir un outil sérieux sur lequel on fait sa veille, ses partages d'informations, ses groupes, ses recherches, etc. C'est bien. Mais est-ce qu'il ne faut pas un aspect aussi un peu plus, un petit peu plus ludique, alors après ça, que les gens puissent, qu'on puisse aussi. Moduler en fonction voilà, de son, sa propre ludicité, sa propre envie. Et ça, c'est peut-être quelque chose quand même sur lequel il faut un petit peu réfléchir. Ça. Aussi pour faire venir les gens. Parce que le problème, c'est d'avoir un réseau, mais c'est aussi trouver les moyens de faire les gens dedans. Alors, on ne va pas faire des concours, des étoiles sur les, ou des courses au like. Pas quoi, mais il y a peut-être des petites choses à réfléchir sur justement. Un concurrent du cloud. Ah, du coup. Quel est le chercheur le plus influenceur bah, directement, c'est en train de se faire. Avec par Google Scholar, vous avez déjà des stats, peut très bien opérer des classements. C'est la logique du cloud peut très bien se décliner au niveau recherche. Ah, sachant que de toute façon dans la recherche on avait déjà la même logique, l'impact factor, la chimie, voilà. Etc. C'est la même. Cette question-là. Mais j'en sais pas que finalement, dans vos projets séparés, ça va être vraiment pour un espace particulier, ça pourrait pas être utile vraiment à tous, un univers particulier. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une multiplication finalement? C'est un risque, il reste là pas mal de concurrents. Après, il faut trouver un créneau. Nous, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est quelque chose qui soit simple en entrée, mais qui ait des fonctionnalités avancées qu'on ne trouve pas ailleurs. Et probablement l'utilité de l'accès aussi en termes de recherche, de voir ce qui se produit réellement sur ces réseaux, est-ce que ça permet de faire émerger des communautés de recherche, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent, est-ce qu'un chercheur a une identification institutionnelle, par exemple, il est en histoire médiévale ou il est en infocom, mais en fait, ses articles, il les tag avec Digital Humanities, voir effectivement si ben, d'un côté il y a son inscription institutionnelle, mais est-ce que au quotidien, finalement, il n'est pas plutôt dans d'autres secteurs. Sachant aussi que l'expérience de certaines personnes sur l'Académie ALU font qu'ils se définissent plutôt sur tel territoire des temps et s'aperçoivent en fait qu'ils sont plus proches d'un tel ou un tel qui se définissent autrement. Donc il y a vraiment une question d'identité numérique ou de territorialisation qui est relationnelle. Qui me semble intéressant pour aider les chercheurs directement à s'identifier, mais aussi à observer. De côté, hein, c'est avoir un outil qui est à la fois utile pour les chercheurs et en même temps qui apporte. Alors, il cochait tout un tas de renseignements. Plutôt aussi bien que ces données soient. C'est ça la question qui se pose aussi, c'est effectivement, est-ce que ce réseau-là, est-ce que ce qui est dedans est accessible même si on n'a pas de compte, si on n'a pas de voir, ou est-ce qu'une partie est accessible si on n'a pas de compte, est-ce que des fonctions. Enfin, l'idée, voilà, c'est quand même d'arriver aussi à attirer, mais à engager ensuite. Les gens, que justement ils invitent leurs copains à faire partie du groupe pour monter le groupe dessus, parce qu'il y a l'outil pratique, le pad pratique pour faire je sais pas quoi, etc. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et là, on est parti sur. Pour les experts, généralement, de toute façon, compte tenu des moyens financiers et humains, c'est sûr qu'on ne va pas faire un. Est-ce qu'il faut tout de suite penser à une plateforme ou est-ce qu'il y a moyen de penser à des outils qui agrègent ou redirigent l'essentiel des données type, alors je ne sais pas si ça marche bien encore comme ça, mais l'IFTT qui était ça flux RSS6, tout ce qui peut exister dans l'information, qui permet à la fois de rediriger des choses qui sont publiées sur Facebook, de les faire automatiquement publier sur Twitter, ou de faire arriver tout ça dans un mail, ou de faire partir des mails. Voilà. Est-ce que c'est un truc comme ça qui serait un outil que chacun aurait sur sa machine, mais qui permettrait en fait d'utiliser les ressources générées sur tout un tas d'autres types de réseaux, sachant que là la question du réseau qui est accessible sans compte et du réseau qui est complètement fermé tant qu'on n'a pas un compte se pose, enfin du coup ça pose tout un tas de problèmes spécifiques. Ou est-ce qu'il faut forcément une plateforme avec une centralisation des données, etc., c'est-à-dire recréer tout l'aide des comptes, du temps, ou un truc intermédiaire dont j'arrive même pas à concevoir la forme. C'est une bonne question, mais hein, je crois que c'est. En fait, c'est pas la. On est toujours dans une question un peu médiation numérique sur IFT. Sachant en plus que sur cette question des données, sur IFT, actuellement Twitter est en train de fermer son accessibilité à IFT. Sachant que c'est quand même pratiquement l'outil le plus couramment utilisé avec IFT. Je faisais plein de trucs avec IFT. Bah oui. Dès que mon nom était cité, ça m'envoyait un mail. Dès que tel mot-clé était cité sur Twitter, ça m'envoyait un mail. J'avais une transformation dans des fichiers Excel. Et en gros, ça peut aussi se fermer du jour au lendemain. Donc ça, c'est plutôt une question d'écosystème informationnel. J'ai le sentiment, ça fait assez longtemps que je pratique ces outils, que tous les ans, tous les deux ans, il y a un nouvel outil. Il faut être capable de changer un petit peu son petit véhicule personnel. Là-dessus, pas sûr qu'on se profilera réellement sur cette problématique-là. L'écosystème informationnel, il est assez personnel. C'est un peu du bricolage. L'intérêt de la plateforme, c'est peut-être d'avoir une mise en visibilité différente et un moyen de mesure qu'on n'aurait pas nécessairement avec un tel outil. Je ne les vois pas en tout cas. D'avoir une visualisation des mesures de ce qui est en train de se produire. Sauf si on pense à une sorte de réseau social décentralisé, là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ces machins. Ça ne fonctionne pas. Non, mais c'est vrai que le projet Diaspora, son contact avec le projet Diaspora. Il n'était pas tout. Il n'était pas. Ah, je pensais pas, lui. Il y a des réseaux sociaux décentralisés qui sont vraiment basés sur le principe que, en gros, il n'y a pas une base de données centrale. La question, et tu viens de l'évoquer, hein, avec Twitter et avec Facebook aussi. Régulièrement, on est confronté au fait que les usagers sont les premiers ennemis de leur modèle d'affaires, de leur business model. Facebook, vous le savez, vend des données pour du marketing ciblé. Twitter vend des tweets pour de la géolocalisation et pour des archivages de mood. Donc, en gros, l'humeur du monde, voilà. Les emotional analysis et des trucs comme ça. Et donc, depuis 2011, le problème avec Twitter, et donc ton problème maintenant de repérage avec IFT et compagnie, c'est qu'ils se font payer. Alors qu'auparavant, si tu étais un chercheur, tu pouvais récupérer des tweets. Maintenant, tu dois payer 70 000 euros par mois. Donc, du coup, C'est un défi. Comment ? Le digital et l'IT, c'est un défi. C'est évidemment, c'est toujours le défi. Comment tu payes pour ça ? Comment tu payes pour les données ? Parce que pour acquérir des données, tu dois toujours payer. Si tu fais un terrain, tu payes. Si tu récupères une base de données, tu payes. La question serait aussi, es-tu prêt à travailler avec Twitter Entreprise ? Pour pouvoir avoir accès à tes propres tweets ou aux tweets qui t'intéressent. Des collègues qui font informatique ou des sociologues vont bosser avec Google, vont bosser avec Facebook. Et là, tu as accès à 200 millions de profils sur 900 millions. Et du coup, tu leur reverses une partie de ton expertise et de ton apport, c'est ça ? Et tu publies sous le label et sous le contrôle du bureau légal de Facebook. Ouais. Mais c'est ça qui est sponsorisé en cours, tu es obligé de mettre un t-shirt. c'est gravissime. En même temps, on est constamment confronté à ce type de situation. Si vous publiez pour le ministère de la Défense, vous êtes dans la même situation. Si vous publiez au ministère des Affaires étrangères, vous travaillez sur l'immigration, vous êtes dans la même situation. Le ministère de l'Intérieur, sur les questions de police, c'est le problème. Ou des études pharmaceutiques, des laboratoires pharmaceutiques. Industrie agroalimentaire et compagnie. Mmh. Bien sûr. Réseau privé, justement, qui appartient à une société privée qui a 950 millions de membres comme Facebook, 500 comme Twitter, encore le nombre de contactifs, comme ça vous allez voir. Et puis, je sais pas, moi, il doit être à 2 millions, 804 millions, entre 5 et 2 millions. C'est ce qu'ils proclament. Ce qu'ils disent, en tout cas. En même temps, est-ce que c'est la quantité qui prime ? L'objectif, c'est plutôt quand même d'avoir quelque chose de plus restreint, mais réellement des interactions qu'on puisse en tirer des représentations d'une visualisation plutôt que le réseau massif qui est un marché. Là, on dira un tout petit peu plus sur l'intérêt que tu vois aux visualisations. L'intérêt des visualisations, c'est à partir d'un. Ça peut être déjà à partir des, par exemple, des tags pour s'identifier, ou j'en sais rien, ça peut être aussi lié à un message déposé, d'avoir des visualisations, des mots-clés qui reviennent le plus souvent. Ensuite, moi je ne suis pas forcément un expert en visualisation, mais dans notre projet, on a des informaticiens qui travaillent beaucoup sur ces questions-là de données, sur lesquelles ensuite, ils vont produire des visualisations qui permettent des interprétations. Là, pour des projets de recherche, ce qu'on voudrait aussi, c'est que ça puisse éclairer la pratique du chercheur qui pourrait assez facilement identifier un champ de recherche particulier par un clic assez rapide. De mot-clé en mot-clé arriver sur tel ou tel chercheur. Un peu ce qui se fait déjà dans cette pratique. Sur Delicious ou Digo, si vous n'êtes pas sur Delicious ou Digo, on identifie une ressource. Puis très vite, on passe de l'identification de ressources à l'identification de personnes. Donc il y a une notion d'expertise aussi qui se facilite le repérage à l'expertise. C'est un aspect qui est très développé sur Mendeley. Mais vraiment, c'est un aspect de la plateforme qui a vraiment été développé. Parce que Mendeley a fait pas mal d'appels d'offres sur cette question. Antoine Blanchard et Palais auraient pu nous en parler, mais ils avaient fait un travail justement comme ça sur Vocabularize, qui était l'identification des tags sur Mendeley pour voir s'il y avait des champs de recherche en émergence, s'il y avait des controverses qui naissaient. Pas mal de choses à creuser. Voilà pour les visualisations. On va faire court. Bon, visualisation, il y aurait aussi évidemment le côté de restitution de notre activité. C'est une autre manière de parler à un public différent, pas forcément plus vaste, de ce qu'on fait. Expliquer quelle est la position relative d'une discipline par rapport à une autre. Et en gros de donner un accès esthétique et sensuel à des matières que, enfin, j'emploie des adjectifs qui sont en réalité liés à l'expérience de la visualisation. Vous voyez des graphes avec des couleurs merveilleuses, ça attire tout le monde, c'est ça un jeu. Alors que si je fais plutôt un papier, un philologie, ou alors un sociologie mathématique, allez, ouais. On s'emmerde carrément, donc du coup, voilà, c'est aussi ça. Mais je me demande exactement quel est ce bon équilibre à trouver entre ce côté esthétique et immédiat, qui du coup ne parle plus à nos collègues, du coup parle à un autre public. Donc ça, est-ce que c'est le réseau qui fera ça? Le réseau qui fait la visualisation? Ouais. Le réseau ne fait jamais la visualisation. Il y a évidemment, tu as à prévoir un algo qui collecte les données, tu as à prévoir quelque forme de mise en forme et visualisation, donc ça c'est évidemment avec des acteurs humains tu fais ça, et après à la fin tu as besoin de quelqu'un qui fasse une analyse. si je pense par exemple à une petite expérience de NoTech, qui est un petit réseau à vocation techno-scientifique français, ils ont fait des petites visualisations qui, en gros, ont situé certaines, identifié quelques communautés, montré qu'il y avait quelques passerelles, quelques petits effets de bridging, pas plus. Mais c'était beaucoup plus important comme message pour les non-membres que pour les membres qui savaient déjà. Et donc, du coup, si on s'interroge sur la visualisation, et, faut voir, pour qui tu... Justement, ça pose une autre question. C'est effectivement un réseau social SHS pour des chercheurs, pour des enseignants-chercheurs, pour tous les chercheurs. Après ça, la question, c'est jusqu'où on va. Effectivement, est-ce qu'il faut montrer patte blanche pour adhérer à ce réseau? Est-ce qu'il faut être chercheur dans une institution ou pas? Est-ce que quand on est étudiant, on peut rentrer dedans? Est-ce que quand on est enseignant du secondaire, on peut rentrer dedans? Est-ce que quand on est bibliothécaire, on peut rentrer dedans? Est-ce que quand on est à la retraite, on peut rentrer dedans? Est-ce que quand on est amateur ou d'une société savante, on peut rentrer dedans? Est-ce que quand on est doctorant et ingénieur d'études, on peut rentrer dedans? Non, doctorant et propriétaire d'une boîte marketing. Moi, c'est des cas qui m'intéressent beaucoup. Parce que ça vous pose un problème, véritablement. Un problème éthique. Et ensuite, un problème d'exploitation économique. C'est vraiment des questions aussi. Ça, c'est vraiment une question aussi de... d'identifier après ça, parce qu'on a parlé tout à l'heure au tout début de la politique de l'international. Il ne faut pas avoir seulement des Français, il ne faut pas montrer sa carte d'identité pour adhérer au réseau, évidemment, mais pour rentrer dedans, pour s'inscrire. Mais après ça, le degré d'ouverture. Je voulais poser la question de la langue qui a fait qu'aborder c'est bilingue, les réseaux dont vous avez parlé, quand c'est anglais, essentiellement. Il y a aussi ce constat-là, c'est qu'il y a une grosse domination. Donc il y a peut-être une utilité aussi à aider pour une plus grande diversité. En même temps, cette domination sur les réseaux spécialisés de chercheurs, elle est compensée par le fait qu'un passé de chercheur parle en français, comme sur Twitter, parle en français aussi parce qu'il parle avec des gens qui ne sont pas des chercheurs et qui ne sont pas forcément bilingues, et que la question d'ouverture, elle se fait sur les réseaux généralistes comme Twitter et Facebook, qui implique à la fois la question de la diffusion, donc de la représentation de la communauté scientifique et de son travail à un grand public, et aussi à soi-même. Quand on a des live tweets de moments comme celui-ci dans Internet, la communauté se représente, et c'est déjà une forme bizarre ou pas très sexy mais hyper efficace de représentation de la communauté pour elle-même. Mais alors c'est lié précisément à un réseau qui n'est pas scientifique et qui est généraliste, et qui fait que c'est un troisième point après la question de la langue, qui fait comment, bon, je suis sociologue, donc je travaille sur un terrain, je travaille sur des gens, alors sur des gens, ça me donne un point de vue surplombant, je peux dire que je travaille avec des gens sur des choses, sur des thèmes, voilà, sur le crime, les sexualités, etc. Avec des gens qui savent plus de choses que moi. Donc effectivement, est-ce qu'ils seraient accueillis sur ce type de réseau parce qu'ils sont capables de discuter mes propres théories ou pas? Les militants. Et c'est vraiment, c'est une des richesses de Twitter, quoi. C'est que dans un live tweet sur un sujet précis, les sexualités, c'est vraiment c'est un de mes objets d'étude. C'est extrêmement évident que les experts ne sont pas des universitaires. Quand je parle d'expertise, je parle de capacité à produire une bibliographie. C'est-à-dire que c'est pas les sociologues qui travaillent sur la famille et la sexualité en France qui sont foutus de produire une bibliographie pertinente. Deux, trois personnes près. Donc ce type de choses-là est vraiment important, parce que un réseau social scientifique et une plateforme, c'est plus ou moins fermée, plus ou moins ouverte, a besoin d'une définition de ce qu'est la science. Ou des digital humanities. C'est une vraie question sur la frontière. Sachant que ça vient vite à contrôler ça. C'est peut-être un des intérêts numériques, c'est que ça va se définir de soi-même. Qu'est-ce qu'on veut proposer? remarque sur le danger, c'est d'être importuné, monsieur le président. Sérieusement, qu'est-ce qu'on cherche à contrôler? Qu'est-ce que tu définis comme importuné? C'est incroyable parce que là je t'entends décrire ta propre activité et c'est pas une critique, c'est notre propre activité. On fait du trolling, on fait du spam et de l'autopromo, et d'une manière très hypocrite on met ça entre qui, entre parenthèses, carré, tu vois. Et en réalité on fait les mêmes choses, des activités de positionnement de réputation et de, on appelle ça la critique anciennement, plutôt de dire trolling, c'est l'ancienne et belle. Si tu veux, ça dépend de quelle communauté, parce qu'il y a des communautés de non-chercheurs qui se dessus. Mais justement, mais la question d'avoir quelqu'un qui cherche à imposer son point de vue, que ce soit à travers la pub ou à travers la polémique, ou à travers la critique, ben, ça fait partie de notre métier. Notre métier est d'exposer notre propre théorie à la critique des autres et à la falsification des autres. On ne peut pas faire un compère, on n'a pas besoin de ça, mais en même temps, si quelqu'un vient me dire que je me suis trompé, je le remercie. Bon, je me fâche, après je le remercie, je le retire. Tu vois? Parce qu'en fait, à partir du moment où on arrive dans un réseau social, il n'y a pas besoin d'être dans le numérique pour qu'il y ait un réseau social. Là, dans cette pièce, on fait du réseau social déjà. Et du coup, d'habitude, les réseaux sociaux scientifiques, ils sont délimités par les institutions. C'est hyper creux, mais très. Et je trouve que c'est vraiment un des enjeux. Magistral en fait de ce type de projet. Et un des enjeux, c'est que les sciences sociales. Ben oui. Avec tout un tas de paliers, c'est qu'est-ce que c'est la médiation scientifique type Nodex ou les CCSTI et la Villette et compagnie, alors qui est souvent portée beaucoup plus sur les sciences, l'industrie, les sciences dures et compagnie. L'enjeu est fondamentalement est le même, et en même temps, bon, il y a des manières de faire dans la médiation de la culture scientifique, moi, qui me plaît très bien. Mais il faut voir si on ne leur marche pas sur les pieds, aujourd'hui, comme ça. Est-ce que vous n'avez pas non plus un enjeu d'attirer, en fait, aussi dans le projet sur lequel vous pensez, et donc l'idée d'avoir des spams, des choses qui viendraient un peu pour circuler, ferait que les chercheurs ou la communauté auxquelles ils s'adressent n'adhèrent pas. C'est aussi un enjeu auquel ils doivent répondre. Le degré de pertinence de l'information. Voilà, c'est pour ça. C'est qualité de l'information. On sent bien qu'il y a ça aussi. Oui, c'est un curseur. Entre l'ouverture et la pertinence de l'information. Bon, je vous informe qu'en bas, il y a plein de sandwichs végans. Qui reste? Vous pouvez poser une question. Bon, moi, je vais une dernière question. Si le réseau ouvre dans 6 mois, on vous envoie un mail. Vous venez essayer? Oui, bien sûr. Et vous avez le droit de troller. Pas trop. Est-ce qu'on acceptera les images de profil? Merci pour cette discussion. Merci.